Bonsoir. Dans Autant d'emporte l'histoire aujourd'hui, 1816, quand Mary Shelley créa Frankenstein. C'est une histoire à faire peur que je vais vous raconter ce soir. Ou plus exactement l'histoire d'une jeune fille qui, une nuit d'orage et d'insomnie, se mit à écrire une histoire à faire peur. Si peur, dit-elle, que le lecteur n'oserait pas regarder autour de lui. Une histoire qui glacerait le sang et ferait battre plus vite le cœur. Et vous, vous le sentez, le fantôme qui se penche doucement sur votre épaule et n'attend qu'une chose, qu'on lui redonne l'étincelle de la vie ? Cette jeune Anglaise de 18 ans, en apparence comme il faut, belle, diaphane, distinguée, mais en réalité totalement anticonformiste, s'appelle Mary Shelley. C'est elle qui, durant l'été 1816, entreprit l'écriture de ce qui allait devenir un chef-d'œuvre de la littérature fantastique, Frankenstein ou le Prométhée moderne. Un livre à faire peur, oui, mais aussi le premier roman de science-fiction nourri des craintes et des espoirs de la science. L'été 1816 s'annonçait pourtant joyeux comme un été qui doit l'être, pour Mary et sa bande d'amis anglais un peu déjantés, partis avec elle dans les Alpes. Soleil, randonnée, bateau à voile sur le lac. Mais rien ne se passa comme prévu. France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire. Alain Morvan, bonsoir. Bonsoir Stéphanie Duncan. Vous êtes ancien professeur de littérature, ancien recteur et surtout un spécialiste de la littérature anglaise. Mary Shelley, vous la connaissez bien, puisque c'est vous qui avez traduit et dirigé l'édition de son Frankenstein et son Prométhée moderne en 2014 dans la collection de la Pléiade. Pouvez-vous nous rappeler d'abord les grandes lignes de ce roman ? C'est une histoire d'une très grande simplicité, je dirais même d'une simplicité désarmante, puisque au départ, on pose l'existence d'un jeune savant, c'est un jeune voix, il s'appelle Victor Frankenstein, et voilà qui est l'occasion de rappeler que Frankenstein désigne bien le créateur et non pas la créature, le savant et non pas le monstre. Et ce Victor Frankenstein, qui a une confiance illimitée, et peut-être un peu folle d'ailleurs, dans la capacité de la raison à faire progresser la science, décide un jour de créer lui-même un être humain, le créer de toutes pièces, un peu mutatis mutandis, comme Prométhée, jadis, après avoir volé le feu aux dieux et pris de l'argile, avait créé des êtres. À partir alors, donc, lui... Alors lui, c'est à partir de morceaux de cadavres. Voilà, c'est ça. Il va dans les cimetières, dans les salles de dissection, il va dans les ossuaires aussi, enfin tout ça est glauque à souhait, et c'est ce qui fait le charme et la profondeur, je dirais, de cette partie-là. Et puis, il y arrive, et il finit un beau soir, un soir de novembre d'ailleurs, par donner l'étincelle de vie à cette créature. Mais cette créature... énorme, disproportionné, d'une très grande laideur, alors que lui voulait faire quelque chose de beau, cette créature va lui échapper, va lui en vouloir terriblement de l'abandonner sitôt la création achevée, et le roman, c'est en grande partie l'histoire de la vengeance du monstre vis-à-vis de Frankenstein, et aussi l'histoire d'une poursuite, le monstre poursuivant Frankenstein, Frankenstein poursuivant le monstre, on ne sait plus très bien qui est à la poursuite de qui, et cela se termine à l'endroit où le roman avait commencé, c'est-à-dire vers les glaces polaire où le monstre, une fois Frankenstein mort, va disparaître. Alors je vais dans quelques minutes raconter donc dans quelles circonstances, pour le moins étranges aussi, Mary Shelley va entreprendre l'écriture de ce roman. Mais d'abord, Alain Morvan, pouvez-vous nous dire qui est cette jeune fille de 18 ans quand elle débarque en Suisse en juillet 1816? Elle est encore totalement inconnue. Elle est inconnue, mais elle n'est pas la dernière venue. C'est une femme, une jeune fille, qui est originale à tous les titres imaginables. D'abord, elle est d'un milieu extraordinairement favorisé, même si ce n'est pas une aristocrate ni une grande bourgeoise. Son père, William Godwin, est un grand philosophe, c'est un des grands philosophes du ce que l'on appelle à l'époque le radicalisme, c'est-à-dire une pensée très progressiste. Il a quelque chose d'intéressant qui projette d'ailleurs une lumière sur la jeunesse du livre, c'est que il croit que le progrès ne s'arrêtera jamais et qu'entre autres, on peut un jour espérer voir la défaite de la mort. C'est aussi un grand romancier. Sa mère est tout aussi importante dans l'histoire de la pensée anglaise. Elle s'appelle Mary Wollstonecraft. C'est ni plus ni moins la pionnière de ce qu'on appellera plus tard le féminisme anglais. Elle a composé en 1792, tant elle était lassée d'entendre parler des droits de l'homme, elle a composé un livre qui est un peu un brûlot, qui s'appelle « Défense des droits de la femme ». Sa mère, Mary Wollstonecraft, lui donne le jour le 30 août 1797. Et cette femme qui n'avait cessé de dénoncer la tragédie de la condition féminine meurt elle-même quelques jours après des suites de l'accouchement et devient en quelque sorte le symbole de sa propre œuvre tant elle décrit d'une manière saisissante ce qu'est l'essence de la tragédie d'être femme en cette fin du XVIIIe siècle. Et Mary Shelley a perdu un enfant aussi. Alors Mary Shelley, elle a perdu un enfant à l'époque, et elle en perdra d'autres. Malheureusement, c'est la vie de Mary Shelley est ponctuée de deuil, elle perdra plusieurs enfants, un seul survivra. Ce qu'il faut dire aussi pour justifier son côté absolument exceptionnel, son côté non-conformiste, c'est que cette jeune femme a fait un choix de vie totalement révolutionnaire, puisque en 1814, alors qu'elle n'a pas encore tout à fait 17 ans, elle se fait littéralement enlever, qu'on s'entende qu'elle est d'ailleurs, par un jeune homme très brillant, très sulfureux lui aussi, qui s'appelle Percy Shelley, qui va être l'un des plus grands noms de la littérature anglaise du 19e siècle et un de poète. Tous les temps. C'est le grand poète Percy Shelley, dont elle portera le nom à partir du moment où elle l'épousera. Et cet homme, qui est très jeune lui aussi, est marié. Et il a derrière lui un passé qui est extraordinairement choquant pour les convenances de l'époque. Figurez-vous qu'il a été exclu de l'université d'Oxford pour avoir osé écrire un traité justifiant ce qu'il appelle la nécessité de l'athéisme. Alors voilà, en 1814, première escapade de Mary Shelley avec son, enfin, celle qui s'appellera Mary Shelley, avec le poète Shelley. Et puis, on recommence 2 ans après, et c'est à ce moment-là, lors de leur arrivée à Genève, que les circonstances se produiront qui conduiront à la naissance de ce merveilleux projet qu'est l'écriture de Frankenstein. Et un mot également sur Lord Byron. Lord Byron, il est plus connu que Shelley à l'époque. Shelley sera tout autant connu que lui, sinon plus par la suite. Mais Lord Byron, quelques années de plus que Shelley seulement, est un personnage tout à fait fastueux, extraordinaire. C'est un aristocrate écossais. C'est un très grand poète. Mais c'est un personnage qui ne passe pas inaperçu. Il est, je disais, fastueux. On le compare parfois à une de ces stars du 21e siècle que nous connaissons. Et c'est quelqu'un qui a été obligé de quitter l'Angleterre, où il ne reviendra pas d'ailleurs, parce que sa conduite était notoirement dissolue. On lui prêtait des relations incestueuses avec sa propre sœur, il assumait pleinement sa bisexualité, et sa réputation devient tellement nocive pour lui qu'il est obligé de quitter le sol natal, et c'est ainsi que, en juin 1816, toutes ces personnes se rassemblent. Donc ces vacances en Suisse vont être marquées du sceau du scandale et de la créativité littéraire. Alain Morvan, nous nous retrouvons dans une trentaine de minutes pour poursuivre ces discussions sur Mary Shelley et sur Frankenstein. Tout de suite, 1816, quand Mary Shelley créa Frankenstein, un texte de Patrick Notret écrit spécialement pour Autant en emporte l'histoire. Réalisation, Christophe Hocquet. Sur le guéridon de l'entrée. En passant, mes doigts effleurent la belle couverture cartonnée. Éditeur Lakington, Allen & Company. Je tente de m'en détacher, de me livrer à quelque autre occupation, mais je ne résiste pas au plaisir de l'ouvrir, de sentir l'odeur de l'encre d'imprimerie toute fraîche. Bon, mon nom n'apparaît nulle part. Auteur anonyme. Un jour, peut-être. La soif de connaissance de Mary est sans limite et la persévérance qu'elle met dans chacune de ses entreprises est quasiment inébranlable. Mon père. Je n'avais que 15 ans, mais finalement, tu voyais juste. Aujourd'hui, il est fier de moi. Ma mère, si elle avait vécu, l'aurait été probablement encore plus. Mon roman est né de bien étranges et obscures circonstances. 2 ans ont passé. Durant l'été 1816, je peux le dire aujourd'hui avec certitude, je suis sortie de l'enfance pour entrer dans la vie. Londres, 1818. Mary Shelley vient de recevoir le premier exemplaire de son roman, Frankenstein ou le Prométhée moderne. Ce livre, écrit par une jeune fille de 19 ans, va connaître un succès immédiat et devenir un chef-d'œuvre de la littérature. Mary se souvient de l'été qu'elle a passé en Suisse, il y a 2 ans, avec ses compagnons si extravagants. Il arrive. Eh bien, te voilà enfin, mon cher Georges. Je pensais arriver avant, pour vous accueillir. Nous avons eu le temps de visiter le parc. J'ai dû affreusement vous manquer, mais fini de souffrir. Je suis là maintenant. C'est beau ici, hein, mais il fait pas chaud. Il était temps que vous arriviez. Et ton voyage depuis l'Angleterre ? Oh, épuisant. Mmh. Épuisant, mon cher ange. La conversation de Polidori l'a-t-elle ennuyé ? La tienne, Georges, une telle platitude. Juin 1816. Un carrosse à l'allure impériale s'arrête devant une grande maison de maître, la Villa Diodati, dont les jardins s'inclinent vers le lac de Genève. En descend, un jeune homme élancé aux cheveux bouclés qui s'appuie sur une canne car il souffre d'un pied bot. C'est le flamboyant George Byron, Lord Byron, poète anglais célèbre, vénéré comme un demi-dieu, mais à la réputation sulfureuse. Un autre homme, encore plus jeune, en sort à son tour. C'est John Polidori, son médecin et secrétaire personnel. Un petit groupe arrive à leur rencontre. Un garçon au visage enfantin nommé Percy Shelley, escorté de sa future épouse, Mary Godwin, et de la demi-sœur de celle-ci, Claire Claremont, qui est la maîtresse de Byron. Percy Shelley, un poète déjà réputé pour son idéalisme farouche. Tout comme Byron et Polidori, il connaîtra un destin tragique. Ah, Percy Shelley, le plus grand des poètes anglais. Après moi, bien sûr. Encore une de tes crises de modestie. Oui, elles sont impossibles à soigner. Percy, je vois que tu as réussi à arracher ta belle Mary à son père. Bel exploit! Il faut dire que le vieux est aussi drôle qu'une porte de prison. Détrompe-toi, Georges. Le vieux, comme tu dis. Tes poèmes le font rire aux larmes, même les plus sinistres. Sais-tu, Mary, je ne me lasse pas de contempler ta beauté. Ce haut front, cette rayonnante blondeur, ces grands yeux rêveurs. Un peu banal, non, ce genre de compliment, venant du plus grand poète d'Angleterre. Excuse-le, Mary. La fatigue du voyage, les privations peut-être. Au contraire, la nourriture française, trop riche. Bon, alors, pour quelle raison nous as-tu donné rendez-vous devant cette villa ? Mais pour vous faire une surprise. Je l'ai louée pour l'été et vous êtes mes invités. Eh bien, tu as vu grand, c'est plus un manoir qu'une villa. Je n'ai pas trouvé plus grand, dommage. En tout cas, j'espère m'y livrer à d'immenses bacchanales avec vous tous. Des bacchanales poétiques, je présume. Oui. Pour commencer. Cela attendra. Nous avons traversé la France dans des diligences, parfois à cheval ou à dos de mule. Nous sommes fourbus. Dépêchons-nous d'entrer. Polidori, sous le siège du cocher, tu trouveras des bonnes bouteilles de vin français. Fait-on sur le champ nos retrouvailles. Ces vacances ont un parfum de scandale. Byron a fui l'Angleterre. Il n'y reviendra jamais. Sa majesté satanique, comme le surnomment les journaux, a été mise au banc de la bonne société anglaise après plusieurs affaires retentissantes. Dettes de jeu, adultère et relations incestueuses. Mary, 16 ans, s'est enfuie avec Percy Shelley alors qu'il est marié à une autre femme, enceinte de lui. Quant à John Polidori, jeune médecin au caractère ombrageux, il est l'éternel souffre-douleur de Byron. Si la renommée de Shelley et de Byron a largement dépassé les frontières de l'Angleterre, Mary et sa demi-sœur Claire sont, elles, des inconnues. En arrivant en Suisse, les jeunes gens espèrent donc oublier leurs soucis. Mais ils sont loin d'imaginer que ce séjour à la Villa Diodati, imprégné d'ennui, va être l'occasion d'une sulfureuse effervescence sensorielle et intellectuelle et donner naissance à l'un des plus grands mythes littéraires. Tout semblait si paisible. Je pouvais admirer le magnifique lac Léman, ses rives couvertes de vignes, les crêtes des montagnes s'élançant au loin au-dessus, mêlées aux Alpes enneigées. Mais bientôt, des orages énormes illuminant les nuées d'un noir profond résonnèrent dans les sommets. Des pluies diluviennes s'abattirent, des vents furieux balayèrent les vignes. Le ciel montrait d'étranges couleurs que nul n'avait jamais observées auparavant. Il régna bientôt autour de la villa une atmosphère morbide de fin du monde. J'étais inquiète et désemparée. Un jour, pourtant, pour nous changer les idées, Byron nous entraîna dans une excursion en voilier sur le lac. Il nous avait assuré qu'il était maître dans l'art de la navigation. J'ai cru que cette tempête ne s'arrêterait jamais. Nous sommes sauvés. Encore vivant. C'est une chance. On est trempé. Maintiens ta barre à droite, Byron. À droite, je te dis. Mais je la tire à moi, de toutes mes forces. Oh, tu perds peut-être le timonier. On aurait pu tous se noyer à côté de toi. C'est l'aviron que t'as appris à Cambridge, pas la voile. Nos habits sont gorgés d'eau. Regardez, nous y voilà enfin. La vieille citadelle médiévale de Chillon. Elle paraît posée sur les flots. C'est étrange, ces nuées vertes et jaunes juste au-dessus d'elle. Quelle vision! Non, pitié, Georges, ça suffit, tes cris de guerre. Oh, on a eu assez d'émotion comme ça. Sur les ondes joyeuses de la mer sombre et bleue, nos pensées sont sans limite et nos âmes sont libres. Aussi loin que la brise peut nous porter, aussi loin que les vagues écument. Là, sur la surface bleue de ta houle aérienne, du bord obscur de l'horizon à la hauteur du zénith, vois les boucles de l'ouragan qui approchent. Je n'aime pas trop ces boucles de l'ouragan qui approchent. Ah, je ne parviendrai jamais à faire comprendre aux gens que la poésie est l'expression d'une passion exacerbée. Il n'existe pas de passion permanente, pas plus qu'il n'existe de tempête continuelle. Et on s'en félicite. Pourquoi tiens-tu tellement à nous faire visiter cette citadelle? Parce que c'est au pied de cette forteresse que le grand Jean-Jacques Rousseau fait mourir Julie, l'héroïne de sa nouvelle Héloïse. J'avais d'ailleurs emporté le livre pour vous en lire des passages. Où est-il? Il est là, au fond du bateau, dans l'eau. Bah, c'est sans doute sa destinée. Il y a aussi une tragédie comme je les aime. Ah, ça m'étonnait. Raconte. En 1530, un patriote suisse, François Bonivard, a été enfermé dans cette forteresse. Et alors? Le malheureux a passé 6 ans dans un cachot sous terre, enchaîné nuit et jour à une colonne de pierre. Lake Lemon lies by Sheehan's walls, 1,000 feet in depth below. Its massy waters meet and flow. Thus much the phantom line was sent from Sheehan's snow, white battlements, which round about the wave entrails, a double dungeon wall and wave have made. And like a living grave, below the surface of the lake, the dark vault lies wherein we lay. Dis-moi, nous n'avons pas subi cette tempête pour visiter un cachot? Mais si! C'est la récompense, Mary. Tu viendras avec nous? Sûrement pas. J'envie ma sœur qui est restée à la villa bien au sec. On dirait bien qu'un orage arrive sur nous. Polidori! Merci d'avoir sauvé ma canne pendant la tempête. T'es bien près de la suivre, je sais pas nager. Pas d'inquiétude, je t'aurais tendu un fétu de paille. Un fétu de paille? Qu'est-ce que tu racontes? Pour vérifier le dicton qui prétend qu'un homme qui se noie se raccrocherait même à un fétu de paille. Ton cynisme est pathétique, Georges. Byron, mets plutôt le cap sur son ponton, droit devant. Si tu en es capable, bien sûr. La visite de la citadelle de Chillon impressionnera durablement les jeunes visiteurs. Byron grave son nom sur l'un des piliers gothiques du sinistre cachot. Shelley et Polidori écoutent le bruit sourd des vagues qui frappent les murs de la prison située au-dessous du niveau des flots. En sortant de la forteresse, ils aperçoivent Mary qui court vers eux sous le ciel noir. Mary, qu'y a-t-il? Tu as l'air bouleversée. Mais tes mains tremblent. Eh bien, il m'est arrivé... Calme-toi, parle-nous. Je marchais sur la berge du lac et le brouillard avait envahi le chemin. Je n'y voyais pas à deux pas. Soudain, un homme revêtu d'un grand manteau est apparu. Il était immense, difforme. Son visage était effrayant. On aurait dit qu'il était, assemblé de plusieurs morceaux. Comment ça? Des morceaux différents? Oui, je sais, ça a l'air fou. Des morceaux de chair. Il s'est avancé vers moi d'un pas lourd. Il criait dans une langue que je ne comprenais pas. Et ensuite? J'étais terrifiée et je me suis enfuie. Au bout d'un instant, j'ai compris que le géant ne me poursuivait pas et puis... Continue. Une voiture attelée à deux chevaux noirs est arrivée sur le chemin. Elle s'est arrêtée à ma hauteur. La portière s'est ouverte, elle était ornée d'armoiries, ça m'a frappée. Un jeune homme est apparu et m'a crié « Madame, ne laissez plus jamais cet homme vous approcher. » De quoi avait-il l'air? Mince, élégant, un visage très pâle, un regard pénétrant. Il était seul? Non, j'ai aperçu un valet assis au fond de la voiture. Un homme robuste, il portait une livrée rouge, il regardait droit devant lui et... Je crois qu'il tenait des chaînes dans ses mains. Des chaînes? Devant eux, il y avait un coffre ouvert. J'ai cru apercevoir des bobines de métal luisant, des cadrans de cuivre, de gros fils colorés. Tu sais qui étaient ces gens? J'avais demandé son nom au jeune homme quand il m'a montré du doigt le ciel au-dessus de la citadelle. Et il a dit avec un air exalté, Voyez ces éclairs, les étincelles de la vie. Quelle énergie formidable nous offre la nature. Un poète suisse, enfin. Belle trouvaille. La voiture est repartie. Quand elle est arrivée près du colosse, les deux hommes sont sortis et se sont jetés sur lui. Le géant se débattait. Il criait, mais ils l'ont maîtrisé. Ils l'ont enchaîné et ils l'ont poussé dans la voiture. Un enlèvement ? En plein jour ! Je cours prévenir un sergent de ville. N'en fais rien, surtout l'Italien. Et pourquoi, Georges ? Il faut bien... Nous sommes des fuyards, et dans un pays étranger où ma réputation m'a précédé, mes dettes, le désastre de mon mariage et tout le reste... Tu veux parler de ton penchant pour les petites sœurs et pour les éphèbes ? Tu devrais t'y essayer, Polidori. Oh, mais j'ai oublié, tu ne pratiques l'amour charnel qu'avec toi-même. Tu vas me le payer, espèce de... Lâche-moi ! Pauvre fou, tu vas me faire tomber ! Retire ça tout de suite, Georges ! Arrêtez tous les deux, hein. On en a assez de vos querelles stupides. Assez. Pour ce qui est de cette affaire, mieux vaut rester en dehors de tout ça, c'est plus prudent. Mais si nous apprenons qu'il y a eu un crime, nous devons en dénoncer les auteurs. C'est vrai. Mary, les armoiries sur la portière de la voiture, tu t'en souviens ? Un V et un R, j'en suis certaine. Le mystère plane sur cette étrange rencontre. Le soir, Villa Diodati, à cause du mauvais temps, on se blottit près du feu. On boit beaucoup, on débat avec passion des dernières découvertes sur l'électricité. Les expériences de Galvani, du physicien Giovanni Aldini, consistant à tenter de ressusciter des cadavres avec du courant électrique. Et on cite Benjamin Franklin, qui a démontré que les éclairs étaient du fluide électrique. Mary évoque le médecin Erasmus Darwin, qui prétendait avoir ranimé de la matière morte. Un défunt pourrait-il retrouver la chaleur de la vie grâce à cette moderne électricité qui semble bouleverser les lois de la nature ? On dévore également les romans gothiques à la mode, Le Moine de Matthew Lewis ou Les Mystères d'Oudolph d'Anne Radcliffe. Et toute la nuit, on se lit à voix haute des histoires de fantômes tirées de recueils allemands, les Fantasmagoriana. De celui qui emmurait vivant les malheureux qui passaient. Oh, c'est quoi ces sottises ? Jette-moi ça dans la cheminée ! Et hop, un de moins. À mon tour. Et voyons, une page au hasard. Vas-y, lis-nous un passage. Attends. Le pont Lévis s'abattit devant moi, ouvrant une grande bouche d'ombre dans la pierre moussue. Une vapeur méphitique s'en échappe. Oh non, alors pas encore la vapeur méphitique. Oh, ces auteurs gothiques se copient les uns les autres, quoi. Allez, dans le feu, Lyoshi. À moi. Alors, voyons un peu. La créature aux mains griffues s'avança vers lui. Il reconnut sa fiancée assassinée qui revenait dans le cimetière pour se venger. Au feu ! Au feu, tout ça ! J'ai tout fait dans cette maison. Byron et Polidori entretenaient une querelle permanente. Percy, mon cher Percy, piqué par l'aiguillon de la jalousie, me prêtait une attirance pour George Byron. Je l'avoue, je n'étais pas insensible à sa beauté, à son génie poétique aussi, et à son étonnante énergie. Mais qui ne le serait pas ? Par sa seule présence et par sa voix, il avait le pouvoir d'éveiller en moi des émotions que je devais pourtant repousser. Ma sœur, qui était si heureuse de le retrouver en Suisse, est devenue inquiète. Il semblait s'éloigner d'elle chaque jour un peu plus. Voulait-il s'en défaire ? Nous étions pareils à des fauves, tournant en cercle dans une cage dorée, cernée par la pluie. Notre seule distraction était la lecture de contes poussiéreux censés inspirer la terreur. Eh bien, qu'on la referme, l'Italien, vas-y. Vas-y toi-même. Je peux pas me lever, trop vu. Le vent a soufflé les bougies, non, j'ai peur. J'y suis. Ah, oh, j'arrive pas, mais... Oh, Seigneur, il est là. Qui ça ? Venez voir, vite. Attendez-moi ! J'arrive. Dans le jardin, là-bas. Je le vois, aussi. Le monstre que j'ai vu à Chillon. Où ? Mais où ça ? On n'y voit rien. Là, sous les arbres. Tu crois ? Ça bouge, mais... C'est son grand manteau. Tu es sûr ? Il a disparu. C'était lui. Il nous observait. La petite troupe se rend le lendemain à une foire à Chamonix. On y voit des automates qui jouent de la musique, des créatures artificielles qui fascinent le public. Dans la foule, Mary aperçoit, montant à cheval, le valet à la livrée rouge entrevu à Chillon. Elle court l'interpeller, mais il éprône sa monture. Renseignement pris dans une taverne, l'individu est connu comme étant le serviteur d'un certain Victor Rosenkrantz, médecin prussien qui mène des expériences étranges dans sa maison du bord du lac. Je ne cessais d'y penser. Ce mystère me causait une grande agitation de l'esprit. Pour l'apaiser, j'ai aidé George Byron à recopier le puissant poème qu'il a composé et intitulé « Le prisonnier de Chillon ». Dans le profond et noir donjon du vieux château gothique de Chillon, sous les arceaux et les ogives, il est sept antiques piliers, appui de ses sombres foyers. Il est 7 colonnes massives avec leurs grisâtres couleurs, emprisonnant quelques lueurs d'un rayon qui perdit son chemin. Ah, oh, j'en peux plus de ces journées lugubres, de ces pluies incessantes. Remets du bois dans l'âtre, Polidori. Mais je suis pas ton valet, Georges, et un peu d'exercice te ferait le plus grand bien. On va tous finir pétrifiés par le froid. Je suis transi jusqu'aux os. Même ce vin blanc suisse a un goût de pluie. Bah, quelle purge. Comment se fait-il qu'en plein été, on ait un temps aussi exécrable? On se croirait en Écosse. Moi, je sais. Je viens de recevoir une lettre d'une amie. Elle se trouvait l'année précédente à Batavia. Batavia? C'est en Hollande? Mais non, aux Indes orientales. Il y a eu là-bas une gigantesque éruption d'un volcan nommé Tambora. Le nom est plaisant, ma foi. Un titre de poème, peut-être. Tambora est mon nom. Contemplez mes œuvres, ô mortels et désespérés. Selon les savants, ces épaisses nuées ont gagné la plus haute atmosphère. Puis elles ont fait le tour de la Terre, ce qui a changé la couleur du ciel et a engendré partout des orages et des tempêtes. Les orientaux cultiveraient le vice jusqu'à perturber le climat suisse. Voilà donc ce qui nous vaut d'être enfermés ici. Eh bien, que pourrions-nous faire pour tromper l'ennui? On pourrait peut-être... Mais on t'écoute, Georges. On adore tes idées. Si on écrivait, chacun de nous pourrait écrire un récit. Mais un bon récit, tu vois, de ceux qui inspirent vraiment la terreur. Et puis pourquoi pas, on les publierait ensemble. Des histoires à glacer le sang? Merci bien, le mien est déjà glacé. Bien pensé, Georges. Ouvrons toutes grandes les portes de l'enfer. Faisons sortir les créatures démoniaques de leur tanière putride. Et si on convoquait les êtres maléfiques qui peuplent le royaume des ombres? Moi, j'écrirais bien une histoire de vampire. Qu'est-ce que c'est, un vampire? Un vampire? C'est un mort sorti de la tombe qui boit le sang des vivants pour se régénérer. C'est une légende de Transylvanie. Ce n'est peut-être pas une légende. Tu devrais t'y rendre, l'Italien, pour vérifier. Mais gare à toi, le vampire transforme sa victime en un nouveau vampire. Ton idée d'écriture est intéressante, Georges. Tu veux dire mon trait de génie? Mais le combat est inégal. Claire et moi n'avons écrit que des journaux de voyage. Percy et toi, vous êtes déjà des écrivains célèbres. Allons, ce n'est qu'un jeu. Et nous vous prêterons main forte. Bella Signorina. Dans la plus pure tradition chevaleresque. Tandis que les éclairs illuminent le salon et que le tonnerre gronde au-dessus de la villa, Mary s'attelle à la tâche. Mais les sombres muses du récit d'épouvante tardent à la visiter. Percy Shelley, plein de sollicitude, lui tend alors un verre rempli d'une mystérieuse substance. Bois, Mary. C'est du vin d'opium. Il provoque des expériences ineffables de tous les sens. Ton imagination galopera. Je bus et je montai à ma chambre. Là, étendue sur mon lit, je commençais à baigner dans une sorte de brume lumineuse. Puis j'ai eu une vision. Je me tenais derrière l'une des colonnes du sinistre cachot de Chillon. Les vagues du lac frappaient la vieille muraille. Je distinguais alors, dans l'ombre, le jeune Rosencrantz agenouillé auprès de la créature qui m'avait tant effrayée. Elle était enchaînée et il usait sur elle d'une machine d'où sortaient des étincelles. C'était le coffre étrange avec ses cadrans et ses fils colorés que j'avais vus dans le carrosse. J'eus la conviction qu'il avait arraché cette abomination à la tombe et lui avait redonné la vie grâce au fluide électrique. Elle se mit soudain à psalmodier dans sa langue inconnue. Et alors Rosencrantz découvrit ma présence. « Celui-ci, me dit-il, est revenu de l'enfer et il marchera de nouveau sur la terre. » Dès qu'il eut fini de prononcer ces mots énigmatiques, ma vision s'évanouit. Je m'aperçus aussitôt que je m'étais transportée sans en avoir eu conscience jusqu'à la porte du jardin remplie d'ombre. La lune rousse, énorme, se reflétait dans le lac et éclairait le Mont Blanc. Son sommet rougeoyait comme celui d'un volcan. Aux côtés de Percy Shelley endormi, Mary se met à échafauder une intrigue tirée de sa vision, noircissant frénétiquement ses pages, tandis que la pluie gifle les carreaux et tambourine sur le toit. Dans les jours et les nuits qui suivent, Mary, totalement absorbée par l'écriture de sa nouvelle, s'enferme et ne quitte pas sa table de travail. Une semaine plus tard, George Byron et Percy Shelley, les deux plus grands poètes d'Angleterre, profitent d'une éclaircie pour se mesurer au pistolet en tirant sur des bouteilles vides. Les jeunes femmes amusées les regardent se défier. Manqué, Byron. Tu m'avais pourtant dit pouvoir moucher une chandelle à 10 pas. Pure vanité. Ah, j'ai épuisé tous mes sujets de vanité, même ma vanité d'auteur. Et c'est plutôt de ne pas tuer ma chèvre, veux-tu? Pourquoi as-tu toujours des animaux avec toi? Je les aime, voilà tout. Avant, je vivais avec un ours. Il est mort, hélas. À propos de mort, ton histoire de vampire? Eh bien, j'ai écrit quelques lignes, une ébauche. Et toi? Ouf. Je pense à une femme de cauchemar dont les seins sont prolongés par des yeux. Je l'ai vue en rêve. Bien! Manqué. À mon tour, arrogant libertin. Seigneur, quel maladroit tu fais! C'est vrai que Georges dort toujours avec deux pistolets chargés près de son lit? Selon lui, on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise surprise. Comme on a pu le constater l'autre nuit. Tu m'as bien fait rire, ma sœur, avec ton monstre dans le jardin. En fait, c'était qu'une vieille voile de barque qui s'était envolée et s'était prise dans une branche. Peut-être. J'ai lu ta nouvelle ce matin. Elle est vraiment terrifiante. Je crois savoir ce qui te l'a inspirée. Ma vision, bien sûr. Est-ce que ce serait pas aussi notre voyage en Allemagne, il y a 2 ans? Les loups. Tu te souviens? C'était... Claire, mais où est passé Polidori? Et il s'est peut-être enfui en Transylvanie pour échapper à son bourreau habituel. Percy s'est pris de passion pour mon récit et m'encourageait à développer cette nouvelle que j'avais écrite en une seule nuit. À ses yeux, j'avais réussi à absorber les récentes connaissances de la science, à les colorer de passion humaine et à les transformer en chair et en sang de la nature humaine. Il faut, m'assurait-il, en faire un roman. Pour mieux me persuader, il invoquait ma filiation. Mon père, philosophe de renom, ma mère célèbre pour ses écrits défendant la cause des femmes. Il m'exhortait à marcher sur leurs traces afin d'accéder à mon tour à la notoriété littéraire. J'étais indécise. La notoriété ne m'attirait aucunement, mais l'idée d'écrire moi-même un roman était des plus exaltantes. Le lendemain, alors que Mary, obnubilée par le développement de sa nouvelle, est penchée sur son écritoire, la porte d'entrée de la villa s'ouvre soudain sur Polidori, l'air furieux et les cheveux en bataille. Mary, que fais-tu ici? Les autres sont partis en promenade, mais John, tes mains saignent. J'ai eu un léger différend avec un apothicaire. Le vilain drôle s'était trompé dans une préparation médicinale que je lui avais commandée. Une préparation destinée à Georges. Et alors? Il niait, me menaçait. Je lui ai donc frotté le museau à coups de poing, ce qui a fait tomber ses besicles. Je les ai écrasés sous mon talon. Crois-tu que Georges me remerciera d'avoir pris soin de sa santé? Je suis bien sûr que non. Allons, je vais remettre un peu d'ordre dans mon apparence. Quelques jours plus tard, la petite troupe part en excursion à dos de mule découvrir le Mont Blanc et sa mer de glace. Mary, troublée par l'ambiance désolée du grand glacier, projette d'intégrer ce décor naturel dans sa nouvelle. À leur retour, ils sont attendus par un valet vêtu de rouge qu'elle reconnaît immédiatement. Il leur tend une invitation de son maître, un certain Victor Rosencrantz. Et voici mon laboratoire. J'y mène des expériences sur l'électricité. J'espère pouvoir un jour capturer celle des éclairs. C'est magnifique. Italien, surtout ne casse rien. Mon estimé confrère, je me fournis en potion chez l'apothicaire que vous avez rossé, lequel, au cas où cela vous intéresse, possède de nouvelles besicles. C'est une de vos habitudes de molester ces braves préparateurs. Seulement lorsque leurs pratiques mettent en danger mes patients. Il a eu ce qu'il méritait. Vous l'avez interrogé sur moi, n'est-ce pas? J'en conviens. Je vous dois à tous des explications. Elles seront en effet les bienvenues. Je suis un étranger dans ce pays. Je dois donc éviter que l'on colporte sur moi de méchantes rumeurs qui pourraient nuire à ce que j'entreprends ici. Le géant qui vous attend effrayé, madame, est mon frère aîné, Valdemar. Il a été fauché par la mitraille française à la bataille d'Austerlitz. Il en a été défiguré et a perdu l'usage de ses jambes. Quel malheur! Je me suis installé en Suisse pour étudier les travaux du médecin genevois Jalabert, qui a fait revivre le bras paralysé d'un homme avec sa génératrice d'électricité. Cette machine, je l'ai perfectionnée. J'ai réussi de plus à contenir le fluide électrique en m'appuyant sur les réalisations du comte Alessandro Volta. Qui est venu en Suisse, lui aussi. Je vois que vous avez fabriqué plusieurs des grandes piles électriques de son invention. Bien observé, madame. Mais celles-ci sont très différentes. Bref, grâce à ma machine, Valdemar peut de nouveau marcher. Mais je dois lui prodiguer des soins constants. Où est-il à présent? Il dort à l'étage. Je lui ai administré du vin d'opium. Il est malheureusement sujet à des crises de démence. Il s'enfuit et il avait réussi à tromper ma vigilance le jour où vous l'avez rencontré. Eh oui, En somme, je suis devenu le gardien de mon frère. Quel être humain digne de ce nom pourrait laisser son propre frère impotent s'il peut le guérir? Mais je conçois que votre fardeau doit être bien lourd à porter. Donc point d'enlèvement. Et point de scandale. Un peu dommage, tu ne trouves pas? Et en quelle langue parle votre frère? Il ne s'exprime plus qu'en vieux prussien, une langue ancienne que nous pratiquions quand nous étions enfants. Vous m'avez raconté, madame, en arrivant ici, que vous aviez rêvé de moi dans le cachot de Bonivar à Chillon, en usant de ma machine sur Valdemar? En effet. C'était plus une vision qu'un rêve. C'est tout à fait remarquable. D'autant que je n'ai jamais visité ce cloaque. Mais pourquoi pas? C'est bien votre Shakespeare, n'est-ce pas, qui a dit qu'il y avait plus de choses dans le ciel et sur la terre que n'en pouvait rêver notre philosophie. Contrairement à leurs promesses, Claire Claremont, George Byron et Percy Shelley n'écriront aucune histoire durant l'été 1816. Byron poursuivra son périple vers l'Italie. Les Shelley, ainsi que Claire, enceinte de Byron, retourneront en Angleterre. Dans une seconde édition de son roman en 1823, Mary Shelley évoquera sa vision d'un pâle étudiant des arts profanes agenouillé auprès de la créature qu'il avait assemblée. Mais elle ne fera aucune allusion au château fort qu'elle avait visité lors d'un voyage en barque sur le Rhin avec sa sœur et Percy Shelley. Un voyage qui pourtant eut bien lieu 2 ans avant leur séjour à la Villa Diodati. Quel formidable promontoire! J'aime sentir le vent sur mon visage. Depuis ce donjon, le regard peut embrasser des lieux et des lieux de forêt profonde. Fais attention, ma sœur. Ce vieux château menace de s'écrouler. C'est ici, paraît-il, que l'alchimiste Johann Dippel s'est livré à ses expériences interdites. Avant de se donner la mort à l'acide prussique, il prétendait y avoir créé un homme vivant à partir de morceaux de cadavres. Oh, mais c'est affreux! Mais il y a une lueur qui bouge en bas, tout au fond du précipice. C'est notre cocher qui nous alerte avec sa lanterne. Il faut descendre. Déjà? Pourquoi? Au crépuscule, les loups sortent pour chasser. Vous les entendez? Oui. Quel concert! Partons vite. Je ne tiens pas à finir sous leur croc. Peut-être rendent-ils hommage aux seigneurs qui ont bâti cette forteresse autrefois, Léon. Comment s'appelaient-ils les... Les Frankenstein, ma sœur. Les Frankenstein. John Polidori se servira du brouillon de Byron pour écrire son livre « Vampire » qui préfigure le Dracula de Bram Stoker. Ce démon sophistiqué qui visite ses victimes dans leurs rêves ressemble fort à Byron. Une malédiction semble avoir frappé les jeunes hommes réunis cet été-là Villa Diodati. Tout comme l'alchimiste Dippel, John Polidori finira par se suicider à l'acide prussique. Percy Shelley se noiera en 1822 après un naufrage dans le golfe du Livourne. Son corps sera incinéré à la manière antique sur la plage de Viareggio en présence de Byron. Ce dernier trouvera la mort en Grèce 2 ans plus tard après avoir contracté la fièvre des marais. En 1816, quand je suis arrivée à la Villa Diodati, j'étais une fugueuse de 16 ans, la petite fiancée bohème d'un poète marié que j'avais suivi dans sa fuite et que j'écoutais avidement. Quel drôle d'été nous avons passé tous ensemble! Aujourd'hui, je ne suis plus la même. C'est là-bas qu'une nuit de tempête sur le lac Léman, je suis devenue celle que je suis maintenant, la romancière Mary Shelley. Quand Mary Shelley créa Frankenstein de Patrick Nautret, avec Mary Shelley, Emmanuel Destrumeau, Claire Claremont, Annelise Heimberger, George Byron, Julian Egerix, Percy Shelley, Jean-Noël Lefebvre, John Polidori, Olivier Martineau et Victor Rosencrantz, Grégoire Mont-Saint-Jean, bruitage Elodie Fiat, prise de son montage et mixage Valérie Lavalard et Manon Houssin, assistant à la réalisation Lélio Ploton, réalisation Christophe Hoquet. Dans quelques minutes, on reprend la discussion avec mon invité Alain Morvan à propos de Mary Shelley et de Frankenstein. Autant en emporte l'histoire sur France Inter. sides, I barely ever see you anymore. And when I do, it feels like you're only halfway there. Young mothers love me, even ghosts of girlfriends call from Cleveland. They will meet me anytime. To you, don't expect me to enjoy it, 'cause I really don't have the courage not to turn the volume up inside my ears. For years I used to put my head inside the speakers in the hallway when you get too high and talk forever. The day I die, the day I die, where will we? Day I Die par The National sur France Inter. Autant n'importe l'histoire, une émission réalisée par Juliette Gou, assistée d'Emmanuel Fournier, programmation musicale Thierry Dupin. À la technique, Julia Michel. Alain Morvan, donc l'histoire que je viens de raconter, telle qu'elle a été écrite par Patrick Nautret, vous l'avez remarqué, bon, est en partie historique, en partie fictive. Une part de fiction d'ailleurs que nous assumons pleinement. Mais pourriez-vous nous préciser un peu la part du vrai et du faux dans cette histoire, justement ? Je crois que cette fiction est réussie parce qu'elle a sauvegardé l'essentiel qui est l'atmosphère. L'esprit pétillant, cultivé, brillant de cette petite coterie, on peut l'appeler ainsi, ou plutôt de ces deux petites coteries, parce que comme il a été rappelé au début de l'émission, nous avons deux groupes, d'un côté Byron et son médecin Polidori, qui est soit dit entre parenthèses, est lui-même quelqu'un d'absolument génial. Il a écrit une thèse très intéressante sur le phénomène du somnambulisme. Et donc ces deux-là occupent la Villa Diodati. Et puis de l'autre côté, à quelques centaines de mètres, toujours dans la même commune de Coligny, qui fait partie des environs immédiats de Genève, dans une autre maison, la petite coterie Shelley, c'est-à-dire Shelley, Mary, qui ne s'appelle pas encore tout à fait Mary Shelley parce que... Ils ne sont pas encore mariés pour la bonne raison que la femme de Shelley n'a pas encore eu le bon esprit, excusez-moi, de se suicider, ce qu'elle fera malheureusement à l'automne, ce qui va leur permettre le 30 décembre de convoler. Et donc, Claire Claremont, qui est, dit-on, qui est assurément la maîtresse de Byron, mais qui se trouve être la demi-sœur, ou plus exactement la fille de la belle-mère de Mary Shelley, ils n'ont pas de lien de sang, mais elle fait encore un peu office de poisson pilote dans toute cette affaire. Alors, ces deux coteries se rassemblent. C'est une année assez particulière. Il faut parfois faire intervenir des petites causes dans l'histoire. L'origine de Frankenstein, c'est le psychisme de Mary Shelley. Son passé, ses relations avec son mari, avec son père surtout, qui est une relation très problématique. Son talent quand même. Talent énorme. Son talent considérable. Mais il se trouve que l'histoire a parfois besoin de facteurs déclenchants. Et en l'occurrence, facteur déclenchant cette année-là, c'est le climat. D'une manière générale, on est dans une période de grand froid. C'est ce qu'on appelle le petit âge glaciaire. Et puis, et ça c'est un clin d'œil à l'actualité d'aujourd'hui, il y a aussi un problème de volcan. Il y a eu l'année précédente un volcan, Tambora, en Indonésie, qui a craché d'énormes quantités de lave et de vapeur. Et cela a changé considérablement l'atmosphère. Sur toute la Terre, si bien que cet été est épouvantable. Il pleut, il pleut, il pleut, et le soir il s'ennuie, si bien que un beau jour, et c'est très probablement le 16 juin 1816 que ça se passe, Byron, qui est toujours bouillonnant et fourmillant d'idées, dit « Et si pour passer le temps, nous organisions un concours de ghost stories, en anglais, d'histoires de fantômes, c'est-à-dire d'histoires de terreur ?» Bien, cette idée leur plaît, et elle portera ses fruits. Frankenstein, qui sera, en fin de compte, publié au début de l'année 1818, c'est-à-dire un an et demi plus tard, en est la conséquence la plus directe, mais aussi un texte de Byron. Il fait un petit fragment, mais qui est très très intéressant, qui est un beau récit vampirique lui-même. Et Polidori écrit ce qui est probablement, en anglais, le premier vrai roman vampirique, avec un vampire comme héros, et qui sera publié lui aussi en 1819. Voilà ce petit jeu, malgré tout, c'était pas vraiment Mary Shelley qu'on attendait, c'était elle, c'était un peu l'inconnue, et donc finalement, on attendait peut-être Byron. On attendait Byron. Comment se fait-il que c'est la question qu'on lui a posée à Mary Shelley, mais comment une jeune fille anglaise si sage pouvait avoir faire naître dans sa tête une histoire aussi horrible? Sage, oui, jusqu'à un certain point, on a vu qu'elle savait aussi être un peu dissolue, enfin, je ne dirais pas dissolue, mais se libérer des préjugés et des convenances. Non, il faut dire que elle a depuis toujours le talent de conter des histoires. Elle raconte d'ailleurs que toute petite, quand elle avait un instant, elle griffonnait. Elle griffonnait des histoires. Et je dois dire que les fréquentations de ses parents lui ont donné aussi le goût des récits bien faits. Une anecdote peut-être, mais je crois qu'elle est très significative. Il y a un grand poète anglais, un grand poète romantique qui s'appelle Coleridge, qui compose un récit magnifique qui s'appelle « La balade du vieux marin ».« The Rime of the Ancient Mariner » en anglais. C'est quelque chose de sensationnel. C'est une histoire quasiment de revenant, etc. Et toute petite, Mary Shelley, cachée derrière le sofa de son père, entend Coleridge qui lit lui-même ce poème. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui, dès le départ... Elle baigne dans la littérature. Elle patauge, mais c'eût été trop vulgaire. Elle baigne littéralement non seulement dans la littérature, mais dans l'art de conter, qui est un talent spécifiquement, je dirais, britannique. Et puis surtout, Mary Shelley est quelqu'un qui a le sens de la complexité de la vie. Elle a eu, par son existence personnelle, par sa vie familiale, l'expérience de la mort, et elle sait que la mort et la vie sont inextricablement liées. Donc cette histoire d'écrire un conte qui glace le sang lui parle tout de suite, d'autant qu'elle baigne dans une culture scientifique qui est un peu prospective, si vous voulez. On a eu quelques années auparavant le phénomène du galvanisme. Galvani, qui était un savant italien, s'est amusé, si j'ose dire, ça peut paraître extrêmement sinistre et macabre, et s'est amusé à mettre des électrodes sur des cadavres de mort. Il l'a fait sur un pendu qu'on venait de décrocher de la potence, et il a pu observer que le passage de l'électricité donnait des mouvements convulsifs chez le cadavre. De là à penser que l'électricité pourrait un jour redonner le souffle de vie à de la chair inanimée, il n'y avait qu'un pas à franchir, et Michelet va le franchir. Alors l'idée, c'est que l'électricité peut tout, et certains, et je crois qu'ils n'ont pas nécessairement tort, disent « Ah, Frankenstein, c'est intéressant comme prénom, comme nom ». Et s'il y avait un lien, conscient ou inconscient, avec Franklin, l'inventeur du paratonnerre. Et moi, je trouve que c'est une hypothèse assez astucieuse. Mais j'aime bien l'idée qui a été celle de l'auteur de la fiction, d'appeler Victor Frankenstein d'un nom différent, qui est celui de Victor Rosencrantz, qui évoquera quelques souvenirs chez les anglicistes, puisque c'est un personnage de Hamlet. Quel rôle, à votre avis, a joué l'opium quand même dans cette histoire ? On l'a entendu, Shelley donne de l'opium à sa compagne, Mary, pour pouvoir écrire davantage. Alors, l'opium était généralement, assez communément en vérité, utilisé, notamment dans la classe aisée, et notamment dans la classe intellectuelle, en particulier comme antidouleur. Il est certain néanmoins que ce qui emporte le tout, c'est l'onirisme, c'est la capacité qu'elle a de rêver, et de mettre en scène dans son texte des rêves qu'elle fait. Il y a un rêve, un passage assez merveilleux qu'on trouve dans le chapitre 5 ou le chapitre 4, selon qu'on a l'édition de 1831 ou celle de 1818, mais ça c'est un détail, où elle décrit la réaction de Victor Frankenstein juste après la naissance du monde. Le monstre vient à la vie. Il s'attendait à voir une chose merveilleuse, il voit un être hideux, et d'un seul coup, il se rétracte. Il va dans sa chambre, il s'endort et il fait un rêve. Et ce rêve est assez prodigieux parce que, d'une certaine façon, il réunit en lui tout le contenu du roman, du début à la fin. Victor Frankenstein rêve à sa promise, sa chère Elisabeth. Il en voit le visage radieux. Il rêve qu'il lui donne un baiser. Et d'un seul coup, dans son rêve, l'horreur prend le dessus. Il voit le visage d'Elisabeth se transformer en le visage de sa propre mère morte et la beauté d'Elisabeth se transformer progressivement en la hideur d'un cadavre avec, pardonnez ce détail, des vers qui grouillent, etc., les chairs qui se putréfient. Et alors, bon, cauchemar qui fait suite à un rêve presque érotique, puisqu'il y a un baiser, il lui donne un baiser dans ce rêve. Et ce basculement, je crois, réunit toute la signification, en tout cas toute la dynamique de Frankenstein, cette espèce de lien inextricable entre la mort et la vie. La mort fait partie de la vie, on crée la vie à partir de la mort. Merci beaucoup à la Morvan pour ce beau message, la vie, la mort. Donc les protagonistes masculins de cet été 1816 vont presque tous connaître un destin tragique, on l'a dit. Byron, Shelley, Polidori, Mary Shelley et Claire Clairmont, elles, survivront. Mary Shelley écrira d'autres livres. Alors je rappelle à la Morvan, vous avez traduit et dirigé l'édition du roman de Mary Shelley en 2014 dans la collection de la Pléiade sous le titre Frankenstein et autres romans gothiques. Votre traduction est disponible aussi dans la collection Folio chez Gallimard. Et je signale également la parution en français d'un inédit de Mary Shelley, Que les étoiles contemplent mes larmes, un beau titre aux éditions Finitude. Autant n'importe l'histoire est terminée pour ce soir. Cette émission, vous pouvez la réécouter ou la podcaster, ainsi que toutes celles que vous auriez manquées, sur le site franceinter.fr où j'attends vos commentaires, aussi sur la page Facebook de l'émission. Excellente soirée sur France Inter.